Une idée de grandeur de Vincent Biron. Spira vous convie à l'édition printanière du fameux cours Spira Cours. Julia Julep de Alana Zimmerman, petit frère de Rémi Saint-Michel. Une programmation des meilleurs courts-métrages québécois de la dernière année vous sera présentée. Bec de lièvre de Louis Bélanger. Découvrez ces films colorés dans l'ambiance festive du triplex suspendu à Limoilou le mardi 28 avril dès 19h. Billets, 6$ à l'entrée. Minarski, chute mortelle de Mathieu Rankin. Anatomie de Patrick Bossé. Après 2 ans d'absence de la scène musicale, Bob Walsh revient en force avec un tout nouveau spectacle, After the Storm. Le 2 mai prochain, la légende du blues québécois sera à l'Imperial Bell. Venez écouter son blues reconnaissable entre tous, teinté de folk et de jazz. This world has changed. Everything is rearranged. Bob Walsh à l'Imperial Bell le 2 mai. Billets en vente dès maintenant à imperialbell.com. Well, let me run and roll and satisfy my soul. Une production du Festival d'été de Québec. Bonjour, chers auditeurs, c'est Michel Monette avec vous jusqu'à 16h. C'est l'émission Les Oreilles ailleurs. Aujourd'hui, je vous amène dans un petit pays baltique, le plus grand des petits pays baltiques, à peine 3,5 millions d'habitants. C'est le grand en superficie aussi, mais qui n'en comprend pas moins plusieurs très bons artistes. C'est la Lituanie. On va commencer avec une chanteuse qui s'appelle Jurga Sedwikite. C'est une chanteuse populaire dans son pays. Sa carrière a débuté en 2005 après une performance remarquée à un concours qui s'appelle les Bravo Music Awards. Fait à noter, elle a été ambassadrice d'un mouvement au pays, dans son pays qui s'appelle Pasilik Lietuvoce, Stay in Lithuania, demeurer en Lituanie, un mouvement qui vise à persuader ses compatriotes à rester, à ne pas quitter pour l'étranger, parce que c'est un problème quand vous avez un pays d'à peine 3,5 millions d'habitants, c'est un problème, n'est-ce pas? Il faut les garder autant que possible dans le pays. Mais ça ne l'a pas empêché elle-même de s'installer à Moscou pour 2 ans, de 2011 à 2013, mais elle est revenue dans son pays. Elle mène une carrière d'écrivaine en parallèle. Elle compose la musique pour le théâtre. La pièce que je fais jouer d'elle s'intitule Rikliali ir Vikula Kiai. On l'écoute et je vous reviens par la suite. J'ai une autre petite chose à vous dire à propos d'elle. Pro vandenį žvaigždės, pro vandenį juodo apsumo dangus. Pro vandenį gaivų skauda lengviau, gal čia pasilikt. Gal nerti gilyn žuvimim, bet ir ten žemė dugnas naktis, kas toliau. Vaikai paskenduoliai vienodai jau, bet dumblių minkštas guolis nema. Taip man, o ką taip man, o ką taip man, nuplauti viską švariai, o ką taip man, o ką taip man, o ką taip man, nuplauti švalyti švariai viską, kas buvo. Užaugom žiūrėdami viens kitam į akis. O ką taip man, o ką taip man, o ką taip man, nuplauti viską švariai. Giliai glūdumoj, miško tankmėje. Повантин жаро смарагдовні, лакстов колики нашого колики плут дорклей, лога сапсна гера сапсна, і тава м'яга, гілей глуду мой, мішко танкмей. Повантин жаро смарагдовні, лакстов колики нашого колики плут дорклей, лога сапсна гера сапсна, і тава м'яга. Šešėlių kova mano meilė, negali net užsimerkęs to nematyti. Numirsim žiūrėdami viens kitam į akį. O ką taip man? O ką taip man? O ką taip man? Nuplauti viską švariai. Ce que je voulais ajouter à propos de Jurga qu'on vient d'entendre, c'est son nom de scène, ce nom sur lequel elle est connue, Jurga, c'est qu'elle a étudié, elle est née dans une famille de musiciens, elle a étudié le piano et elle a aussi étudié le journalisme. Heureusement pour nous, elle a choisi plutôt de faire une carrière de chanteuse. On va écouter maintenant un chanteur qui s'appelle Ba, B-A, Benas Aleksandravicius, son nom. Vous avez compris que Ba, ce sont ses initiales. C'est un véritable phénomène. Il a à peine 18 ans. Il est à la tête d'un groupe indie-rock post-punk alternatif. Il a d'abord sorti un EP au format vinyle en 100 exemplaires à peine qui s'est écoulé rapidement en quelques jours. Rassurez-vous, il y a une version MP3 qui est disponible sur sa page Bandcamp. Je vais mettre ça sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, la page Bandcamp de Bar, mais aussi toutes les chansons, les artistes que je fais jouer aujourd'hui et autre chose aussi en lien avec l'émission d'aujourd'hui. La pièce qu'on va faire jouer, que je vais faire jouer aujourd'hui, pardon, est extraite de son premier album. L'album s'intitule Rasti Pasiklisti et la pièce s'appelle Mani. C'était le chanteur Benas Aleksandravičius, 18 ans à peine. Beaucoup de talent, n'est-ce pas? On y va avec trois pièces en ligne. D'abord, Leon Somov et Jazzo. Jazzo, c'est une chanteuse jazz. En fait, c'était une chanteuse jazz. Elle a commencé à l'âge de 13 ans. Et elle s'est associée à Leon Somovas. Et lui, c'est un producteur, compositeur de musique électronique, ingénieur du son, producteur d'artistes. Entre autres, Djorga Sidwe-Kitché, qu'on a entendu au début de l'émission. Donc, on va écouter la pièce Sugalvoki Nora. Ensuite, on va écouter un groupe quand même beaucoup plus ancien. C'est un groupe qui a débuté en 1992, un groupe très connu là-bas en Lituanie. Il s'appelle Cell, le groupe. On va écouter dans une chanson qui s'appelle Nedwok Man Djoko Sanso. Et il y a un lien avec le dernier qu'on va écouter qui s'appelle Andrius Mamontovas, une grande vedette lituanienne. Le lien, c'est que ce groupe a contacté Andrius Mamontovas, en 1992, quand il a voulu démarrer, parce que Mamontovas était à cette époque-là un animateur radio réputé en Lituanie, alors il est aussi un producteur. Alors il les a contactés, celui qui a fondé le groupe Cell, et celui qui est le seul qui est demeuré tout au long de l'épopée du groupe, disons, et Egi Tijus Dragunas, et c'est comme ça que leur carrière a démarré. Alors, on écoute dans l'ordre inverse Andrius Mamontovas Tavos Laikas Baixis avant Nuedok Man Djoko Sanso du groupe Cell et auparavant Leon Somov et Jazzu dans Sugalvoki Nora. Žmonės sako, ir jausmas šimtesnis už meilę, taip ir neteko sužinoti, kas tai. Būtent tai tau vičiu, neiškau mylimų, todėl ir neturiu. Tikinčių manim, kaip kartais aš tavim tikiu, galiu. Leisk, paleisk, nustot galvot, apie kiekvieną tavo žingsnį mintis, vis dar ir dar ir dar vaizdus kartot. Tu kaip narkotikas paleisk savo modą man į kairę, aš visą tavo. Nepaisant sielas tragikomiškų savižudybių Nepaisant tavo mano ego bėgu Kaip laboratorinis eksperimentas ratų Paskui tavo pėdas Kurias tu mėtai iš vienų realybę Nesuprantu, kas tikra Viskas apgulinga Tavo žodžiai dabar Tik flashbackas atgal Ir nieko daugiau Įvyje prožektoriai iš ten visoje šviesa Prabėdinga tūsbyga, kol esam dviesa Svaigindomiesi vienas, kai tu paleidžia muziką į dangų Nedaug man jokių šansų, nesuteik vilties pasaulis pagal muziką agresyvus išties. Tekstais takais trašų nuhakintais efektais sintetikas vasitikom sulaužytais defektais. Aš transformuoju erdves ir rekonstruoju miestus. Aš deformuoju mąstymą aplinkelius nutiestus. Aš visko matęs bosas, viską pamiršęs pankas. Pilkoj rutinai tavo saldus antidepresantas. Gaubi mano kampai, kabina tapė svečius aš mylimas ir mylinti šiandien virtualus ir vėl atradis kosmosas sukūrės į programą nebijantis ir dėrintis laisvalaikį į nirvaną jėgos autoritetus tai teroro siluetus į PR apirajetus visus apologetus į tikrovės trafaretus į suvirštuose korsetuose kankinasi vaikai pasaulio miestų vietuose mes meldžiamis taip tyliai tai čiūdingus mus girdi atverti man duris atverki savo širdį atverki aplaidumą ir mano meilė tau nes viskas ko aš noriu beribį meilę tau įdėję prožektoriai užtenu salę šviesą pradinga džiūs bygą kol esam dviesą sveikindumėsi vienas į kitą paleidžia muziką į dangų Thank you. Мене сакра, серйозно сиш, теж не сужмеля, тепер не так осижу на таке стей. Побутан ти та відчу, нишку мілю, мотоделер не турю. Тільки чуменем кип кардиця, штивим тільки у галю. Лес, палес, листов в головах, п'як як віна та вижим, стімінті сиви з дайр, дайр, дайр, ось до скартат. Токи наркотики спалять, саму мода мані кайреш, шістат тавун. Напасен сила страга камешку завижу диду. Напасен дома его бегу. Кип лабораторы не с эксперимента срату. Паскю до обеда. Просто метай, швязу реалибе. Не супранту кастига. Искас обгулинга. Того жоджи до бар. Тик флешбека с отгал. Ир неко дугю. Идея прожектори, что на сале швеса. Пробдинга тут сбига, колесом двеса. Свигин до месы вена, снеки до палача, музыка и дангу. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Amateurs de bonne pizza, vous êtes maintenant choyés. Pâtes Partout, la fabrique de pâtes à pizza à Québec depuis 7 ans déjà, vous ouvre toutes grandes ses portes pour vous offrir des pizzas faites à la main à 100%. Des produits qui sont l'aboutissement de longues années d'expérience. Rendez-vous directement sur place à la fabrique et profitez de nombreux rabais. Comme par exemple 2 pizzas 9 pouces pour 10$, 2 pizzas 12 pouces 15$ et 2 pizzas 16 pouces 25$. Une pizza de qualité supérieure à petit prix. Ouvert de 8h à 16h du lundi au vendredi. Pâtes Partout, 352 avenue Saint-Sacrement, entre Amel et boulevard Charest. Avec ses 19 bières de microbrasserie, le Sacrilège est depuis 1993 un endroit incontournable. En plus du cachet du lieu, une série de spectacles et d'événements culturels y sont offerts gratuitement. Ne manquez pas de venir 5 à 7 les jeudis et ainsi profiter des spectacles de musique offerts dans une ambiance intime. Country, blues, rock, rockabilly, jazz, folk, laissez-vous charmer par les talents du coin, mais également ceux de nombreux artistes de passage. Jimmy Cullum est britannique. Premier disque, par contre, sur l'étiquette Blue Note. Le disque s'appelle Interlude. Et on le retrouve beaucoup plus calme qu'on l'a déjà entendu. Il reprend de nombreux standards avec souvent un orchestre à cordes qui l'accompagne. Restez avec nous. C'est Midi Jazz avec Jacques Bégin à l'instant. Un répertoire qu'il connaît bien puisqu'il avait participé au milieu des années 90 à une comédie musicale, Dreams, qui reprenait le répertoire du dit Johnny Mercer. C'est le duo Camagnosilicis qu'on vient d'entendre dans une pièce qui s'intitule Mano Broly. C'est tiré de l'album Viscas Teca, tout comme la pièce qui suit Troc Tele Jimas. C'est un duo qui est formé de Camille Goodmontaite et Mantas Zemlekas. Ils s'inspirent du folklore lituanien, mais pas seulement du folklore lituanien, en fait du folklore des pays autour de la Lituanie aussi. On peut qualifier leur musique de fusion de plusieurs genres musicaux. Ils vont jusqu'à fabriquer leur propre instrument. On va les écouter donc, et tout de suite après, on va écouter Baisol et Einius, qui est un nom très connu parmi les fans de musique électronique en Lituanie, dans une pièce qui s'appelle Laikas Paikas. Mais d'abord, Troc Tele Jimas de Camagnosilicis. Mastygos ar įdikinėjančio stumbro riaumojimas. Tik vienas mažutės kamanės duskimas ar įklio gilumo matmuo. Nes jeigu užaugai, tai tik vienas sykį. Nes jeigu užaugai, tai tik vienas sykį. Nes jeigu užaugai, tai tik vienas sykį. Daugiau neužaugai. Maišysi žodžius ir kūnus, ir kūnai keliausiai mirą. Į kvapą iš molių ir pelkių, į mira iš dulkių siurblių ir kortelių. Wow, wow, wow, wow. Ir jei tavo vienas iš pomėgių disko metimas. Ir jei tavo vienas iš pomėgių disko metimas. Arba keliauti, yeah, yeah, yeah, yeah. Kodėl nekeliauji ten, kur viskas užaugia sulig bambu. Kodėl nekeliauji ten, kur viskas užaugia sulig bambuku ar kokoso medžiai? Nes jei keliavai, tai tik vieną sykį, daugiau nebebus laiko užaugti. Because, because, because. Laikas, Paikas, Beisul et Ennius, c'est tiré de l'album du même nom. Prochaine chanteuse, c'est Yeva Narkoute. Je l'ai écoutée il y a 2-3 jours parce que je suis tombé par hasard sur un concert qu'elle donnait à New York en 2014. Mais en fait, c'est pas vraiment par hasard, je faisais des recherches et je suis tombé sur ce concert. Entièrement acoustique, c'était vraiment bon comme concert, et elle ne parlait qu'en lituanien. Il faut croire que, même si elle était à New York, donc il faut croire qu'elle était devant une audience formée de ses compatriotes lituaniens. C'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'ils font, si vous étiez au début de l'émission, je vous ai dit qu'il y avait eu toute une campagne pour convaincre les Lituaniens de demeurer dans leur pays, parce qu'il doit y en avoir au moins autant, sinon peut-être même plus à l'extérieur de la Lituanie. Les parents de Yeva Narkoute étaient tous deux musiciens professionnels. Elle-même, elle étudie en psychologie, mais ça n'empêche pas de mener une carrière remarquée comme chanteuse. Elle compose sa musique, elle compose aussi les textes de ses chansons, ce sont des textes très poétiques. Elle adapte aussi des textes anciens, par exemple comme dans un documentaire qui s'appelle Trip Palvis, c'est un documentaire qui porte sur les partisans lituaniens qui luttaient pour la liberté sous l'occupation soviétique. Ce qu'elle fait, on qualifie ça de poésie chantée, c'est vraiment une vedette de ce secteur-là, de ce genre musical-là en Lituanie. On l'écoute dans Apie Siore, tiré de l'album Viennas. Išeisiu į šiaurę tą naktį, kur bus po daug vakar. Aš būsiu pilna, pilna ir graži, šiaurė bus mano veidas. O aš išeisiu į šiaurę po kalėdų, kai laikas jau būna per ilgas. Aš būsiu išpildyta, pamaitinta, pagirdyta, šiaurė bus mano dievas. Da-da-dai, dai-da-da-da-dai, dai-da-da-da-dai, dai-da-da-da-dai, dai-da-da-da-dai, dai-da-da-da-dai, dai-da-da-da-dai. O aš išeisiu į šiaurę su pliušinėm šlepetėm, kad vaikai neprabūstų. Aš būsiu kilni ir aš būsiu iš naujo, šiaurė bus mano amžiams. O aš išeisiu į šiaurę su dviem kibirais molio babeliui statyt. Būsiu moteris nebe suviliojama, šiaurė bus mano jėgos. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. šiaurės sudrėkinusi, skruostus aklainės ir čia būti gera. Aš būsiu ne aš, šiaurė bus mano siela. O aš išeisiu, išeisiu į šiaurę sudrėkinusi, skruostus aklainės ir čia būti gera. Aš būsiu ne aš, šiaurė bus mano siela. Sakyk, jei darytum ir aš pasiliksiu ir nebenorėsiu į šiaurę Chiare Yeva Narcote, la chanteuse. Lena Sandoman Maitis, qu'on va écouter, a été chanteur principal d'un groupe de rhythm and blues de 1996 à 2000, puis d'un groupe de jazz funk, UAB Music, le groupe de jazz funk, un groupe qui a sorti plusieurs albums, dont des reprises de Stevie Wonder et des Beatles, tout en poursuivant une carrière solo. Alors, elle était dans le groupe UAB Music, mais il avait aussi une carrière solo qu'il a poursuivie jusqu'à nos jours. Il a remporté de nombreux prix dans sa carrière, dans sa très longue carrière. On l'écoute dans une chanson qui s'intitule Laiko Messina et il est avec Monica Lynn Kitté. Akmuo paniro gilyn ir tu atmerkėjai akis. mes išlipom krantę, mes stovėjom tyloj, bet sielai šaukė naktis. Aš išėjau kitur, kur miestai keičia vardus. Tu vis ieškoji manęs, mano sielos, bet radai tik tai savo metus. Aš negalėjau sudegt, aš tik skandau savyje, plaukiau ir vėl link tavęs. Aš išlipau krantę ir pamačiau staigą naktį, tu laukai manęs. Celle qu'on entendait, c'est Monica Lynn Keating et c'est Linas Adomaitis qui était le chanteur principal de cette très belle chanson « Laiko Massina ». Linas Adomaitis qui a fait une tournée en Amérique centrale, on voit qu'il y a quand même une certaine, disons, bon, évidemment le tango ne vient pas de l'Amérique centrale, mais quand même, une certaine influence de l'Amérique latine chez ce chanteur lituanien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a écouté différents chanteurs de la Lituanie. Tout ça va se retrouver sur le blog lesoreillesailleurs.net d'ici une heure environ. Et sinon, si vous y allez maintenant, bien, toutes les émissions précédentes sont là avec à la fois le podcast, mais aussi tous les titres des chansons et quelques informations sur les artistes que je fais jouer. On termine l'émission avec un groupe phare de la scène hip-hop lituanienne qui s'appelle GNG Syndikatas. La chanson s'intitule Ne Kelio Galas. Open the eyes, open the eyes, open the eyes, Sėdu į geležinę karietą, vairas rankoje lengvai sukasi lyg sukčių moneta. Miestas miega ir tai zaibys, kopai lengdami nužiūri, matyt, galvoja, kad vagis. Padėti vyrai, niekom negaliu padėti, tiesiog su jumis neina kalbėti. Kažkur už kampo matau, tagus dėlioja, gražu žiūrėti, kai flakonai smojoja. Lenda į galvą visokios piktos mintys, tengiuosi nuo jų visaip atsiginti. Mano parkės lieka su manim, nesuprantu žmonių, kurie nepasitiki savim. Turiu bedų kaip ir kiekvienas iš mūsų. Vienas nori būti politiku, kitas bušu. Ir tas blenekas. Geriau mokytis kung fu arba ušu. Atrodo, kad gyvenimas byra į gabaliukus. Čia bankai smaugia, čia ant soliai siunčia laiškiukus. Čia moteris stuma, atrodo kelio galas. Bet nesiparink, tam yra pedalas. Nereikia verkti savo vienam, kad tu ta ne tau, o kitam.